Vous êtes actuellement, après ce petit réveil passé sur le toit de l'arche, et cette petite discussion que vous avez eue entre vous, Klinger et Astrid, du coup, vous êtes au centre de l'arche, plus ou moins sur la place centrale. Cette place, honnêtement, commence à, pour être honnête, avoir des adjectifs plutôt péjoratifs dans votre tête. Il s'est passé des événements pas toujours joyeux, vous y avez passé beaucoup de temps ces derniers temps, plus que deux raisons. Et venir dessus devient lassant, déprimant. C'est même honnêtement l'impression que c'est partagé par les autres dans l'arche. Malgré tout, vous y êtes. Pourquoi? Parce qu'actuellement sur l'estrade, il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, vous le connaissez bien, c'est le collectionneur. Le collectionneur, rapidement, hein, pour présenter visuellement, c'est un homme, peut-être un peu plus âgé que vous, mais pas tant que ça, après tout, vous restez quand même dans la moyenne des jeunes adultes. Au trait assez marqué, très foncé, il a un visage assez colérique, mais surtout ce qui se note, c'est toujours ce demi-masque qui porte sur le côté droit du visage. Un demi-masque au motif varié, faisant des petits cercles, des petites spirales ici et là. Une barbe naissante sur le côté, genre rasée depuis 2-3 jours. Et des cheveux bruns, courts, plutôt discrets avec la tenue qui l'arpente. Il est là, au centre de l'estrade, appelant le peuple à se rapprocher. Comme souvent quand il y a une activité sur l'estrade, bah, maximum de personnes de l'arche essaient de savoir ce qui se passe. Après tout, c'est généralement assez central à l'activité. Et malgré les événements récents, qui sont d'ailleurs encore visibles derrière lui, le message, hein, pas l'intégralité de tout ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai perdu mon fil de ma phrase, désolé. Je parlais de... Oui, les événements. Donc, malgré les événements récents, etc. Il est là, debout. Un visage assez confiant. Et du coup, tient le discours suivant. Mes chers, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Cette nuit, j'ai vu. Depuis, je crois, des années peut-être, je n'avais pas eu ça. J'ai eu une vision. J'ai vu la fin. La fin dans le pire scénario que vous pouvez imaginer. C'est... Nous. C'est... Nous. Tous entiers. Se détruire mutuellement. Mourir un à un. De faim, de soif, de froid et de violence. Derrière ça, plein de choses. Des caïds malhonnêtes qui ont des choses à cacher. Un aîné absent. Des citoyens qui ne font pas leur devoir. On est tous condamnés si ça continue comme ça. Alors, aujourd'hui, je vous partage cette vision que j'ai eue cette nuit. Honnêtement, pour espérer faire changer les choses. Je vais juste proposer à ceux qui le veulent de me rejoindre au quartier des Fangeux, actuellement plus agréable que ce quartier. Pour tout simplement se repentir, réfléchir entre nous. Et juste passer du temps à réfléchir aux solutions que nous avons face à nous. Que ceux qui veulent se battre dans de multiples façons le fassent. Moi, là n'est pas mon combat. Je vais de ce pas. Que ceux qui veulent y réfléchir me suivent que les autres meurent les premiers. À ces mots, il descend de l'estrade. Vous voyez, la foule, plutôt, je ne dirais pas mitigée, mais divisée. Une bonne partie semble avoir absorbé ces mots. Honnêtement, et je vais vous le dire, votre arche n'a pas énormément de culture. Et ce genre d'annonce, pouvant paraître peut-être un peu loufoque à certains d'entre vous, ne l'est pas tant que ça. Après tout, la culture ne s'est pas tant partagée, vous n'avez pas un recul scientifique nécessaire pour se poser forcément les bonnes questions face à ce genre de situation. Une bonne partie du peuple va donc le suivre. J'aimerais savoir par contre, vous deux, du coup, ce que vous en pensez et ce que vous comptez faire. J'ai envoyé l'un de mes hommes se mêler à la foule qu'il a demandé de réunir pour essayer de savoir ce qui va s'y dire. Je peux pas m'y rendre moi-même, malheureusement. Et voilà. Pour ma part, j'avoue que la proposition est assez intéressante, parce que quelque part, il propose quand même de réfléchir à une solution pérenne, quelque chose qui puisse faire en sorte qu'on survive tous. Du coup, je suis assez partagé, parce que de l'autre côté, je sais que Astrid vit un peu des moments difficiles et qu'elle a peut-être besoin d'avoir quelqu'un à côté pour un peu de soutien et pour essayer de la tenir dans le droit chemin, on va dire. Du coup, je vais pas y aller. Mais si l'occasion se présente un peu plus tard, j'essaierai quand même d'essayer de me renseigner sur ce qui s'est dit et voilà. Parlant d'ailleurs de situations difficiles pour Astrid, nous sommes laissés la dernière fois sur une question que j'ai ellipsée du coup pour cette introduction. Je vais donc du coup te donner la réponse et me laisser non pas réagir du coup en temps réel en termes de roleplay, mais me dire ce que tu en penses. Ce qu'on t'a dit du coup, c'est que elle est pour l'instant en vie, sauvée, mais que son état n'est pas stable. Qu'il y a dans ses blessures quelque chose de plus grave que prévu, et que du coup un aggravement est très probable et une stabilité quasiment impossible à avoir. Donc il travaille de manière intensive à essayer d'éviter la moindre catastrophe, mais il ne peut pas t'assurer sur le long terme que son état va rester aussi stable, enfin aussi stable non du coup, aussi bien qu'il est au moment où tu es venu voir, que tu as pu voir d'ailleurs de tes propres yeux, puisqu'ils te l'ont montré et elle semblait être plutôt sereine. Enfin, on se comprend. Tranquille. Donc a priori, elle a très très peu de chances de s'en sortir. Ils te l'ont pas dit comme ça, mais peut-être. Ça va vraiment dépendre des ressources qu'ils ont pour pouvoir la battre. Souffrir ou pas ? C'est par épisode. C'est-à-dire que quand son état s'aggrave, oui, mais quand ils arrivent à la stabiliser de manière temporaire, elle est juste en repos, quoi. Ok. Donc on pourrait avoir intérêt à faire une expédition pour aller essayer de trouver des médicaments dans, par exemple, une vieille pharmacie ou autre. Ça peut être effectivement une motivation. Tu peux aussi, pour prouver mon total impartialité sur cette question, c'est vrai que ça peut être un peu la pression du MJ qui force le scénario pour ça, mais pour le coup, non. Et pour te prouver, tu peux aussi avoir des alternatives en cherchant dans l'arche des ressources à plus ou moins acquérir de manière honnête pour soutenir... En effet, ça peut être intéressant pour moi de consulter mon réseau pour essayer de savoir s'il n'y a pas vent de médicaments qui pourraient circuler... ici ou ailleurs. Dans tous les cas, de manière globale, même si je sais que je te fais pas vivre la scène, donc peut-être ça peut être un peu difficile, mais savoir là tout de suite pour Astrid, au moment où on est dans le jeu, donc c'est-à-dire après le discours, hein, ce qu'elle en pense, où est-ce qu'elle se situe par rapport à tout ça. Eh bien, malgré tout, même si le choc en lui-même est passé, je pense qu'il y a quand même cette sensation de course contre la montre. Puisque à tout moment, Verna pourrait y passer, et que dans ce cas-là, ce serait la faute justement d'Astrid. Donc je pense qu'on est un petit peu dans cette phase presque de déni que... comment dire, le destin ne va rien faire tant qu'elle n'aura pas au moins agi. Un petit peu, je pense, c'est cette idée que... Donc, enfin, anti-fataliste, quoi. Et du coup, comme j'en avais parlé la dernière fois, je pense que pour essayer de trouver de quoi la soigner, mine de rien, je pourrais aller voir mon pire ennemi. Parce que justement, la raison qui nous lie, lui et moi, c'est qu'il s'agit de son frère. Et est-ce que ça, je me demande si ça pourrait pas être justement le genre de cas où, on va dire, on pourrait être fraternisé dans... dans la même situation. Tout à fait. D'ailleurs, tu sais, même si pour l'instant je l'ai un peu ellipsé, mais son frère était tout ça, de manière totalement naturelle à son chevet pendant... Oui, c'est ça. Finalement, nos petites rivalités ne rentrent plus en compte, même si on a pu y venir aux mains par le passé. Ceci oui, est forcément. Désormais fort... Du coup, effectivement, si tu veux, aller le voir peut être une bonne... Ok, très bien. Idée. Je préfère dans ce cas quand même aller le voir plutôt chez lui. Bien sûr. Si possible, parce qu'en effet, bon, c'est pas... J'ai pas envie de m'introduire non plus dans sa vie, enfin, privée, on va dire. S'il se recueille auprès de sa sœur, c'est pas pour être dérangé par le premier vu. Tu sais qu'il ne vit pas directement avec Verana, mais vit à côté. En fait, si tu préfères, c'est juste un abri qui a été divisé en deux pour que chacun a son confort personnel. Hein. Mais en soi, tu sens que c'est juste à la base un abri assez grand pour deux personnes qui a été coupé. Tu vas t'y rendre, donc qui se trouve assez étonnamment, vu que Verana pourrait avoir, vu son statut de chroniqueuse et plutôt importante, un lieu plutôt bien placé dans le quartier des Anges. Elle se trouve en fait à la transition entre le quartier des Anges et le quartier Fangeux. Et donc, du coup, il va falloir que tu descendes un peu. Sur le trajet, ouais. D'ailleurs, petite question, mais je demande à Klinger, mais est-ce que du coup, tu suis Astrid dans son plan, vu que tu étais pour l'instant en mode soutien, ou est-ce que tu vas faire autre chose? Bah, disons que là, j'arrive un peu au moment où, mais malgré toutes les capacités que j'ai pour ne pas manger... Il arrive quand même un moment où il faut que je mange. Oui. Effectivement. Là, pour l'instant, c'est vrai que pour situer, on est en matinée bien avancée. Mais effectivement. J'ai pas mangé hier de toute la journée. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, si tu manges pas d'ici à fin de soirée, tu vas commencer à avoir des problèmes. Donc, enfin, d'ici à fin de journée. Du coup, j'aurais aimé quand même, en attendant, vu que là, on est dans l'arche, donc on va dire. Même s'il y a ce mystérieux tueur qui rôde, je vais la laisser aller voir D'accord. Le frère de Verna. Et moi, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen de récupérer une ration quelque part pour me nourrir et nourrir mon chien, accessoirement. Peut te rendre de manière classique à la distribution de nourriture qui se trouve en fait tout simplement devant chez l'aîné, puisque c'était lui qui gérait les stocks avant, et tu sais que c'est là où la nourriture était distribuée. Du coup, je vais commencer par toi, Klinger, et je passerai à Astrid juste après. Tu t'y rends, parce que tout simplement, je commence par toi parce que c'est le plus proche de manière géographique, puisque tous les deux vous commencez à descendre, et toi tu t'arrêtes en fait sur le milieu du trajet, parce que c'est là que se trouve la maison de l'aîné. Mm-hmm. Tu peux regarder le plan de l'arche, si tu resitues un peu, mais vu que en fait, la maison de l'aîné se trouve sur la gauche de la place. Voilà. Oui, je vois. Tu arrives, du coup, face à la maison de l'aîné. Devant, il y a deux énormes fracasseurs. Forcément, hein, l'aîné est faible et du coup se prévent de tout caïd qui pourrait avoir des envies un peu trop malhonnêtes. Tout à fait. Qui font du coup garde. Parmi ces deux fracasseurs se trouve une ancienne connaissance qui a eu lieu. C'est dommage que le joueur ne soit pas là. Mais l'homme à Kadura que vous avez déjà croisé, ci et là. Mmh. Ils font du coup devant la porte et tu sais que en fait c'est au rez-de-chaussée de cette maison que la nourriture est donnée. Et du coup, si tu veux, démarre le dialogue. Du coup, c'est faut que je leur parle à eux, c'est ça? Ils sont. Oui, bon. Si tu veux rentrer, effectivement. Oui, oui. Tu peux essayer de rentrer sans problème. Non, je dis oui, bonjour. Je viens savoir si il serait possible d'avoir des rations, une ou au moins une. On est sorti de la chasse, enfin de. Qui a été fructueuse, de ce que je de mon souvenir. Et, je me dis que peut-être. La première, la première chasse revient très rapidement, mais avec un peu de chance, vous aurez peut-être encore une conserve qui traîne. Tu vois qu'il ouvre la porte, qui hurle un truc, sans que tu arrives à comprendre quoi, parce qu'il s'avance un peu. Un truc, oui. Il revient. Fait, ouais, c'est bon, vas-y, rentre. Tu rentres. Merci. T'arrives face à cette pièce, honnêtement, assez délabrée. Hein. Ça te rappelle pas les meilleures heures où tu pouvais traîner chez l'aîné de manière assez libre. Les murs sont fissurés, la couleur se déteint. Enfin, tu te demandes si l'aîné est toujours bien là à s'occuper des choses. Et face à toi se trouve une connaissance, pour le coup, réellement à toi, qui s'avère être... Excuse-moi, j'ai perdu son prénom. Ici, t'affiche, merci. Jonas. Non, pas du tout. Non. Une connaissance amicale. Ah. Une chroniqueuse que tu connais bien. Attends, j'ai ma souris qui bug. Ah, c'est bon, je l'ai. Davana. Davana, c'est la chroniqueuse avec qui tu t'es lié des contacts parce que tu es un excellent lecteur. Et en tant que lecteur, du coup, elle a trouvé ça absolument génial. Et c'est plus ou moins ton contact chez les chroniqueurs. C'est ça qui te permet... c'est un peu ta... désolé pour cette comparaison dans des circonstances pareilles, mais c'est un peu ta Verana à toi. En tout cas, elle est là, et aujourd'hui, elle est sûrement celle qui est gérée, tout simplement de gérer la nourriture. Parce que les chroniqueurs... pour donner l'idée, sont un peu les fait-tout de l'aîné. Ils sont très basés sur la collection, etc. Mais par ce biais de personnes qui a le savoir, ils passent énormément de temps auprès de l'aîné. L'aîné, du coup, a une confiance plus grande envers les chroniqueurs que les autres, donc c'est à eux qui donnent pas mal de tâches. Je trouve du coup face à Davana, qui, du coup, te voyant, te salue de manière... très joyeux, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas croisés. Klinger, ah là là. Oh, et Flint aussi, c'est trop mignon. Tu viens, oui, pour la nourriture. J'ai peut-être ce qu'il faut. Je t'avoue que là, les stocks sont très à mal et on attend le retour du coup des chasseurs. La première tournée est partie ce matin et un peu stress, hein, c'est les premiers qui partent dans la zone et comme il n'y a plus énormément de repérage, j'espère que ça va aller pour eux. Oh, normalement, il n'y a pas de raison. On les a bien formés, ils devraient s'en sortir. Oui, j'ai su que tu étais un peu derrière. D'ailleurs, t'es pas au courant, mais il y a Marlotte qui est mort. Ah bon ? Marlotte étant, je te l'indique, un maître chien. Sur lequel tu n'as peut-être pas particulièrement de sympathie. À toi de voir la relation que tu souhaites avoir avec lui, mais c'était un des autres maîtres chiens de l'Arche. Tu sais que vous n'êtes pas énormément nombreux, et avec qui, du coup, tu as dû passer un moment d'entraînement. Bah après, de toute façon, je respecte énormément les maîtres chiens, puisqu'on a quand même une grande complicité avec notre animal, donc c'est pour moi une grande perte pour l'Arche. Donc, et comment est-il mort? Que s'est-il passé? Plus de bouffe. Il a été obligé de cesser de mourir de faim, je pense. Enfin, on l'a retrouvé chez lui et la dernière ration de bouffe, c'est son chien qui est en train de la manger. Et son chien, il vous l'avez réaffecté, quelqu'un s'en occupe? On a contacté le L'aîné, pour savoir ce qu'on en fait, il est... le chien est actuellement en haut et on ne sait pas encore ce qu'il en est, qui s'en occupera. Peut-être, si qui sait, quelqu'un trouvera une passion pour un autre chien. Alors, si jamais je peux, pendant un temps, peut-être m'occuper de lui en attendant que quelqu'un le récupère. Ça me ferait du mal de laisser mourir un animal. Oh. Ça, je m'en doute pas. Mais t'es sûr que gérer deux chiens... Oh, après, je l'emmènerai pas sur le terrain. Je veux dire, je le laisserai ici, mais j'irai le nourrir et m'occuper de lui dans l'arche, pas dehors. Tu vois que pendant la discussion, elle est partie vers un meuble, l'a ouvert et a pris un... que tu sais être une boîte de conserve dedans. Ce que tu peux voir d'ailleurs du meuble te fait un peu pitié, étant donné qu'il doit rester trois conserves à tout casser. Ouais. Elle ferme et revient vers toi alors que tu es en train de finir ta phrase. Bon, je suis désolé, je peux te donner qu'une seule ration, faudra que tu partages avec Flint. Ça ira très bien. Fais pas la même bêtise. Et en espérant du coup que les chasses soient bonnes, parce que c'est un peu compliqué ces derniers temps. Alors quelque chose me dit que qu'ils vont rentrer avec quelque chose. J'espère. D'ailleurs, je sais pas si t'as entendu, mais là actuellement, ça se passe plutôt mal. Ça vient d'arriver là, mais il y a eu le le collectionneur qui a parlé. Et son côté mystérieux fait effet. Et tous ceux qui étaient engagés à l'expédition l'ont rejoint. On a personne qui veut partir. Ah merde. Ah c'est plutôt... Non mais c'est incroyable. Je vais voir de mon côté ce que je peux faire. Essayer de motiver quelques personnes. Essayer de faire marcher l'entourage. Je verrai avec Astrid aussi. Je verrai avec elle voir s'il n'y a pas moyen d'en discuter. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Nous on essaye, mais là c'est la panique. Parce que entre les événements en ce moment, la bouffe qui est à zéro, et on essaye de se faire un peu discret en attendant de voir les résultats de la chasse. Mais là, si ça continue, on va juste pouvoir regarder les gens mourir de faim. Et voilà qu'un jour, alors qu'ils avaient parti en expédition, il fallait qu'ils fassent son charabia là. Et aucun projet ne marche aujourd'hui. Il n'y a personne qui est en train de travailler sur le bétail. Personne est motivé. Il a plus la moitié de l'arche là, son écoute. Les gens sont assez tourmentés par les événements. C'est vrai que c'est quand même difficile à gérer. On se pensait en sécurité. Il faut les comprendre. Ils ont besoin de retrouver un peu de sérénité. Et tu connais aussi bien les caïds que moi. Ils ont besoin de se mettre devant. Vu la situation, ils pouvaient pas. Attendre demain, enfin... C'est des caïds. Bon. Ils sont comme ça. Faut faire avec. Sur ce, je vais voir avec l'aîné pour le chien et je te retrouve si jamais j'ai plus d'infos. Tiens-moi au courant, toi, pour les chroniqueurs. Enfin, pour les chroniqueurs, bien sûr, pour l'expédition. Ouais, t'inquiète pas, je ferai pas venir un message. À ces mots, elle t'indique la porte gentiment de la dégage. Non, tu sais, par un geste amical. Oui. Pour simplement accompagner. Je la remercie. Et je ça tombe très bien que votre conversation se termine sur. Mais vous savez ce que c'est que les caïds? Parce qu'on va s'intéresser justement à un des caïds. Astrid, tu arrives du coup au niveau. J'allais dire de Verana, mais non, désolé, de Valériane. Mon frère. Valérian, je ne sais pas. C'est ça. Je te laisse la prononciation. Du coup, j'ai couché au niveau de une espèce de petite cabane, c'est ça? Oui, c'est l'idée. C'est vraiment littéralement une cabane coupée en deux. Ok, bon, bah déjà. Avant de rentrer, je pense que. En fait, c'est une espèce de manière, petite manière, j'essaie de remettre en place un peu mes cheveux, etc. pour avoir l'air plutôt. Comment dire. Présentable. Moins déstabilisé que je ne le suis. Mais pas faire paraître le laisser aller. Et du coup, je vais toquer violemment, je pense, à la porte pour être sûr qu'il entendra. Ok, tu t'approches de la porte. Une pensée, je pense, quand même, te traverse l'esprit sur le fait que la porte juste voisine est celle de Verana. Et tu laisses tomber ton poing plusieurs fois sur la porte afin de faire résonner du coup de puissant coup. Au bout de 30 secondes à peine, la porte s'ouvre. Il est là, face à toi. D'ailleurs, vu que c'est la première fois qu'on le rencontre, est-ce que tu peux me le décrire un peu physiquement, ce fracasseur Valérian ? Valérian, pour le coup, c'est vraiment un petit peu le fracasseur type. Dans le sens où il est très grand, très fort, justement, extrêmement musclé. Il a l'habitude de porter de lourdes charges à l'intérieur de l'arche. Dès qu'on a besoin de travaux ou de main-d'œuvre pour déplacer des choses ou récupérer des choses que la plupart des gens ne peuvent pas déplacer, c'est à lui et à ses gars qu'on fait appel. Il est également justement plutôt impulsif. Généralement s'habille avec quelques trucs récupérés ici et là, ce qui laisse ses bras bien apparents. En fait, il a pas vraiment de manches parce que ça lui permet d'avoir plus d'agilité au niveau de ses mouvements et de ses déplacements. Et sinon, physiquement, au niveau du visage, il a pas beaucoup beaucoup de cheveux. Il a un visage très rond et puis une espèce de grande mâchoire très carrée pour encercler tout ça. Valérian ne porte jamais de vêtements à manches longues pour pouvoir toujours laisser ses bras apparents. Ça lui donne une certaine flexibilité et une agilité sans égale lorsqu'il doit effectuer des tâches. Souvent, du coup, un peu aussi par surprise, ça peut lui arriver de se balader et qu'une petite vieille vienne le voir pour lui demander un service. Pour finir, au niveau de son visage, il est plutôt classique. Il a des yeux un petit peu creusés, il a des cheveux relativement courts et une mâchoire très carré qui ne fait qu'accentuer son corps hors du commun. Et étant donné que Astrid, elle, enfin en tout cas moi, suis très jeune mais en plus petite, ça fait un contraste assez impressionnant. On peut en mettre 4 ou 5, pareil que moi, sur mes épaules, que je lui arriverai à peine à la tête. Alors par contre, tu es pris de ne pas parler de l'aîné en tant que petite vieille. Je sais que bon, le respect est peut-être un peu disparu pour lui, mais c'est parce que c'est la seule personne un peu vieille de l'arche qu'il faut comme ça directement le rabaisser. Du coup, il t'ouvre la porte. Hein, cet homme a la description que je viens de faire, donc je ne vais pas te paraphraser, je vais laisser les gens la transmettre. Et un regard habituellement un peu noir, hein, tu sais que de toute façon, c'est normal, mais malgré tout, qui au bout de 3 secondes, dans juste un rentre. Okay. Et ferme la porte derrière toi. Je rentre justement juste à côté, et puis je marche jusqu'au milieu de la pièce, puis je me retourne dans sa direction. Ok. La pièce, pour te décrire un peu, c'est vraiment ce que t'imaginais d'un mec qui sûrement ne ferait pas gaffe et sûrement ne passe pas beaucoup de temps là. Le tout est vachement en bordel. En bordel par rapport à votre contexte. Hein. Pas juste c'est un peu dégueulasse. Parce que non, là pour le coup, c'est en bordel. La table qui est quasiment moitié de la pièce est renversée. Le truc, il y a juste un endroit pour s'asseoir un peu dégueulasse. C'est vraiment pour le coup, tu sens que soit il y a eu une déferlante très très récente dans cette pièce, soit cet homme n'a pas une très bonne hygiène, ce qui n'est pas non plus très rare, mais à un point assez important. Il se tourne du coup vers toi et te fait face de manière imposante, mais peut-être non volontaire. Je vais en venir au fait, pas la peine de tenter de te brosser dans le sens du poil. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. On pourrait même dire qu'on se déteste, qu'on est pire ennemi, je sais pas. Mais il se trouve qu'on est dans la même merde actuellement. J'imagine que t'en sais pas plus que moi sur ce qui arrive à Verana. Que t'en sais pas plus que moi sur qui est le boucher et comment est-ce qu'il agit, quelles sont les raisons profondes de ce qui se passe ici. Maintenant, écoute, on n'a pas le choix. La dernière expédition qui est partie, en tout cas qui devait partir ce matin, on leur a absolument pas donné ordre de privilégier les médicaments. Ils vont clairement se focaliser sur la nourriture. Si on veut qu'elle ait une chance de survivre, le matériel médical qu'on possède actuellement ne suffira pas. Il faut qu'on envoie une seconde expédition qui pourrait limite aller sur les traces de la première et qu'en parallèle, on essaie de trouver, je sais pas, une pharmacie, quelque chose. Faut qu'on fasse, faut qu'on agisse. Si jamais elle meurt comme ça alors qu'on n'a rien fait, ce sera notre faute. Alors, vu que les gens n'auront rien à faire de Verena plus que d'une autre des personnes qui s'est fait attaquer par la boucher, j'ai décidé de venir te voir toi. Je sais pas si t'as des potes ou des gars qui pourraient venir. De mon côté, je pourrais essayer de rassembler quelques troupes. On parle là d'une ou deux personnes. Médix pourra pas venir, il est trop occupé avec les esclaves. Et j'ai envoyé un de mes gars faire quelque chose. Du coup... Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je le vois là, impassible devant moi, et... Je commence à me taire en attendant qu'il prenne la relève pour voir si il semble aller dans mon sens ou pas. Il laisse poser un certain silence avant de prendre la parole. Peut-être bien 30-45 secondes. En tout cas, c'est vrai qu'après ce monologue, ça te paraît être une sacrée éternité. Puis, dans un long soupir, finit par te répondre. Je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Oh. Il va falloir faire quelque chose. De ce que je sais, l'Arche en ce moment, c'est bien pas le meilleur endroit. Et si il y a... Ouais, peut-être dehors sera notre salut. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver des médicaments ici en ville. J'imagine que comme la bouffe, tout a déjà été utilisé. Après, peut-être que tu en sais plus que moi là-dessus, on va dire qu'on côtoie pas... Le même milieu. Genre de personne. Ouais. Alors, je pense que si il y aurait par-ci par-là du trafic, je pense que ça serait plus toi qui serais au courant que moi. Non. A priori, t'es plutôt habitué de ce genre de choses. Mais non. Malheureusement, ce médicament qui reste, ça te sonne quoi? Un petit mal de tête? Pas ça. Ok. Donc. Notre meilleure chance, c'est de nous allier. Ouais. Il y a le maître chien. T'as dû me voir traîner avec lui de temps en temps. Qui pourrait nous aider. Ouais. C'est un gars bien, on peut avoir confiance en lui. Faudra aussi se méfier que quelqu'un essaie pas de nous doubler, soit pour le revendre les médicaments au plus offrant, soit pour l'utiliser pour ses propres soins. Je vais voir ce que je peux faire. Donc ton but là, c'est de partir le plus rapidement possible. Bien. Je propose qu'on se donne rendez-vous d'ici une heure, deux heures. C'est très bien qu'on a aucun moyen dans cette foutue arche de savoir l'heure précise. On se basait sur l'aîné, mais maintenant vu que la porte est sécurisée, on peut même plus aller lui demander un simple service. Mais oui, on va essayer de gérer ça, je pense. On récompense à un système à l'occasion. Ouais. Pour pouvoir évaluer le temps qui passe. Je pense qu'avec l'hiver arrivant après cette. Cet automne bien déchaîné qu'on a vécu. Je pense qu'il y aura des priorités à gérer, pourquoi pas. Bon, du coup, je vais voir si je peux rassembler des hommes. Et. Je ferai mon mieux et. C'est pas vraiment avec plaisir que je t'aide, mais vu la cause qu'il y a derrière... On le fait pour elle, on le fait pas pour nous. Exactement. Tu vois, ces mots, il ouvre la porte, la présente de manière amicale, peut-être pas aussi amicale qu'à notre ami. Mais et c'est étonnant de parler avec lui de cette manière. Et même juste qu'il ne te vire pas de chez lui par un coup de pied au cul. sachant que... La dernière fois que je l'ai rencontré, ça s'est plutôt mal fini, et que aussitôt qu'on aura sauvé Verena, à mon avis, la guerre reprendra de plus. Il y a de fortes chances, oui. Du coup, je sors plutôt satisfaite. En sortant et en voyant justement cette espèce de grande ouverture en haut de l'arche, j'imagine un système où on pourrait peindre le pourtour pour essayer de savoir justement par rapport à là où se trouve le soleil, peut-être définir en fonction des couleurs, mais en effet, on n'a clairement pas le temps l'hiver à proche. Faudrait parler au chroniqueur, peut-être. Alors, je chasse mes idées et je pas retrouver le maître chien. Très bien. Tu sais, vu qu'il t'a laissé, tu sais où il est, donc tu vas pouvoir te joindre à lui. Lui qui allait de toute façon dans ta direction, vous allez vous croiser très rapidement pour que le fracasseur lui part de son côté pour résoudre ce que tu as posé comme question. Vous vous rencontrez du coup sur le chemin de manière plutôt naturelle, je voulais discuter, donc moi je gère les trucs de mon côté. Alors Astrid, t'as réussi à avoir la discussion que tu souhaitais ? En effet, mon cher Klinger, il se trouve que le frère de Verana, même si je ne m'entends pas spécialement bien avec lui, est clairement prêt à partir en expédition avec moi. Oui, on pourrait essayer de retrouver la première qui a dû partir ce matin, il me semble, et lui donner l'ordre de se focaliser désormais sur du médicament plus que de la nourriture. Bah, justement, par rapport à ça, je viens de discuter avec... Avec une amie chroniqueur qui vient de me dire que du fait du discours du collectionneur, l'équipe qui devait partir en exploration a simplement décidé de ne pas le faire et l'a suivi. Du coup, si nous partons, nous serons les seuls. Merde. Putain, l'enfoiré. C'est comme ça qu'ils comptent nous aider? Bon, en effet, on n'a pas le choix. Je vais peut-être essayer de réquisitionner quelques gars à moi si je croise sur le chemin et puis on fera comme on peut. Je vais peut-être aussi faire un tour, voir notre ami esclave pour lui donner l'ordre de rester ici et de surveiller ce qui se passe. En attendant, on aura besoin d'un homme à terre pour pas se faire surprendre à notre tour. Écoute, de mon côté, je vais essayer de voir si par chance, tous les maîtres chiens ne sont pas partis en chasse. Ouais. Si je peux en ramener un avec moi, ça peut être toujours ça en plus. Oui. Pour trouver et guetter des choses, ça peut être bien. Clairement. Moi, bien. Bon courage. Et là-dessus, bah, je. Bon. Ok. Du coup, par rapport à ça, je vais le gérer en ellipse par rapport à un petit combattant que nous avons eu précédemment. Et je vais vous faire ça plus ou moins en jet de dés par rapport à ce que vous cherchez. Je vais commencer par Klinger, parce que c'est sûr que j'ai retenu le par pur hasard. Hein. Donc, il va chercher parmi les maîtres chiens. Klinger, du coup, tu vas me faire un jet. De manière peut-être un peu hors sujet, mais c'est la compétence qui se rapproche le plus de psychologie. Pour voir comment se passe en fait ton niveau de réseau, voir si t'as des gens qui sont disponibles, etc. etc. Voilà, j'en fais une version un peu alternative. Enfin, c'est quoi ça. C'est 2D. Ouais. Malheureusement, dans les sessions précédentes, il n'y a pas eu de mention de particulièrement d'amitié avec les maîtres chiens, plus que le respect que t'as envers eux, tu vois, genre, mais pas une amitié forte comme par exemple Davana. Donc du coup, tu n'as pas de bonus sur ce jet, tu n'as pas de raison particulière de développer ça. Ok, ouais, du coup, allons-y. Eh ben, j'ai fait un 6. Eh ben, ça suffit amplement. Par conséquent, tu as de la chance parce que sur les... Attends, laisse-moi te dire ça. Je suis désolé, j'avais tous mes fichiers ouverts précédemment, mais il y a eu un petit peu de temps. Voilà. Sur, pour rigoler, hein, mais les trois maîtres chiens restants de l'arche, en dehors de toi, il y en a un qui est pas parti à la chasse. Ce qui veut dire qu'il y en a que deux qui sont partis à la chasse. Ouais. Mais du coup, effectivement, l'un d'entre eux était resté ayant son chien malade. Par conséquent, il est d'accord de venir prêter main forte, mais en contrepartie, il veut que tu négocies avec les chroniqueurs pour être sûr que son chien ne soit pas laissé malade seul du coup chez lui le temps de son absence. Comme, encore une fois, nous sommes un peu pressés par le temps, je vais te faire ça en ellipse. Ce que je vais faire, pour quand même mettre un peu de roleplay à cette situation, c'est que je vais te laisser me donner les arguments que tu vas avancer pour essayer de convaincre les chroniqueurs. Tu peux aussi me dire, par exemple, si tu essaies de contacter quelqu'un que tu as déjà croisé ou juste le premier chroniqueur qui passe. Et voilà, tu me donnes les arguments et comment tu essaies de gérer ça pour qu'ils acceptent, dans la situation qu'on est à l'heure actuelle, de gérer ce chien malade. Pas forcément de le soigner, mais au moins de s'en occuper. Tout simplement, en fait, c'est l'occasion rêvée, quelque part. Je vais retourner voir mon ami. Alors, redis-moi son nom, parce que je ne rappelle jamais son nom. Davana. Davana, voilà. Je retourne la voir. Et du coup, je dis, Davana, je viens de discuter avec Astrid de cette exploration et nous allons la faire. Seulement, il me faudrait, pour avoir plus de chances de ramener des choses intéressantes, l'appui d'un autre maître chien. Et par chance, j'en suis tombé sur un qui n'était pas parti à la chasse car son chien était malade. Seulement, j'aurais besoin que tu me rendes un service. Son chien ne peut clairement pas partir, il est malade. Et du coup, si tu pouvais prendre en charge le chien le temps qu'on parte en exploration et que tu vois avec l'aîné pour que le chien qui reste, celui dont je te parlais, que tu puisses me le donner le temps de l'exploration et le maître chien le prendra à sa charge. Alors, tu vas... je l'ai pris en compte. Il me semble que tu as 2 en empathie. Et donc du coup, je vais te monter un bonus pour que tu aies 50% de chance de réussite. Parce que je considère que, effectivement, tu vas avoir la bonne personne. Et tu as des arguments plutôt cohérents, puisque de toute façon, tu as fait la demande à la base. Donc, ça te fait 2 bonus, donc tu passes à 4 dés à lancer. Ce qui te donne 50% de chance de réussite en plus. Bon. Croiser les doigts. Non. Non. Alors là, du coup, je vais du coup te laisser le choix. Soit tu pousses le jet, donc tu vas t'épuiser littéralement mentalement pour la convaincre, parce que malheureusement, tu en demandes peut-être un peu trop. Par rapport à la situation actuelle, hein, les temps seraient un peu plus calmes, ouais. Ça aurait été accepté. Soit du coup, tu t'épuises sur elle pour essayer de la convaincre à tout prix. Ce qui fait que tous les 1 vont devenir des points de traumatisme temporaires. Et sinon, tu abandonnes et tu sais que le chien ne peut pas le gérer. Tu n'as pas le soutien de ton ami maître chien. Je vais tenter de pousser le jet. Tu avais fait des 1 sur ton premier jet ? Aucun, c'est les 4 que j'ai avancé. C'est déjà bien. Ouais. Alors, faut pas qu'on fasse. Okay. Mais qu'est-ce que tu veux, faut... Eh bien, ça passe et je fais aucun 1. Réussite. Ok, je vérifie juste que je dis pas de bêtises. Bon, de toute façon, ça va parce que t'as pas fait des 1, mais je scroll pour la prochaine fois. Du coup... Non, je vais quand même vérifier. Du coup, j'insiste. Écoute, c'est vraiment primordial. Tu me l'as dit. J'en ai conscience. Donc, honnêtement, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour qu'on puisse ramener ce maître chien avec nous. Et clairement, tout est fait pour que ça se passe. On a un chien malade et on a un chien valide et un maître chien disponible. Alors, juste 2 secondes, je vérifie juste que mes... Non, je veux pas 2 secondes. C'est maintenant que... Non, c'est juste pour ça, moi, je suis sûr une bonne fois pour toutes et... Va dire ça à Astrid maintenant, là, qui est en train de se s'arracher les cheveux non, parce qu'il y a ça... Y a... hein? Sa copine qui est en train de la vie la mort. C'est vrai. Je suis désolé, Astrid, pour vous faire... C'est aussi. L'arche déchire. On est dans la merde. Et tout ça pour 2 secondes. Tu as effectivement insisté. Tu as utilisé absolument toute l'empathie que tu avais en toi pour jouer sur, sur les sentiments, sa compréhension de « Ah, tu sais que j'aime, elle aime bien quand je parle plus comme ça que comme ça », donc tu vas vraiment utiliser tous ces trucs qui sont assez épuisants mentalement quand tu veux manipuler quelqu'un à ce point. Mais pour le coup, ça finit par fonctionner. Tu as fait qu'une réussite, hein, tu n'as pas fait de prouesse. Une réussite, ouais, pas de prouesse. Ok. Du coup, elle l'accorde pour le chien de s'en occuper. Par contre, elle ne te laisse pas encore l'accès à l'autre chien parce que bah, c'est sous parole de l'aîné pour le moment. Et du coup, elle prend pas de risque vis-à-vis de l'aîné. Mais du coup, le chien sera géré pendant son absence par les chroniqueurs et tu pourras du coup, toi, de ton côté, avoir un soutien. Astrid. D'accord. Toi, tu as dit que tu voulais voir si tu pouvais voir avec quelques-uns de tes gars. Donc, comme tu l'as indiqué, Minix, lui, est occupé. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu en as deux autres hein, qui pourraient potentiellement... un dos pour voir notre ami esclave. Mais ça, en off. Oui, effectivement. Enfin, en off. On se comprend. Mais oui, effectivement. Tu... Je le prends en compte, mais comme nous sommes en ellipse, exactement. On n'est pas là où il y a du jeu. Donc, pour Marl et Ingrid, sachant que les deux sont des fracasseurs, juste comme ça, lequel tu as envoyé surveiller notre ami collectionneur? Plutôt le gars. Parce ok, que Marl. Passe moins inaperçu. C'est vrai. Du coup, on va voir d'abord avec Ingrid, et juste par question, parce que normalement tu l'as envoyé en mission, mais est-ce que pour la situation, tu vas interrompre la mission de Marl ou est-ce que tu le laisses avec le chroniqueur? Non, je le laissais avec le chroniqueur quand même. Ça, ça peut être utile. Alors, du coup, c'est pas tant le nom qui compte, c'est le fait d'aller trouver la pharmacie, donc le fait d'y aller en soi. J'aurais même presque pu y aller toute seule, c'est. Si on oublie évidemment que ça peut être dangereux. Oui, voilà, oui, non, c'est ça, je veux dire, mais le fait. Oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord. Mais En théorie, tout devrait bien se passer. Effectivement. Alors, du coup, je vais demander un jet, pareil, que notre ami Linger. Je le sors de son contexte, mais de psychologie, sachant que toi, pour le coup, avant tout. Oh oui, d'ailleurs, je suis con, mais je demandais comme lui de savoir comment tu lui demandes, si tu présentes des arguments, etc. Mais parce qu'en fait, je pensais que tu avais déjà un bonus de base, parce que c'est Ingrid, elle travaille pour toi. Mais juste pour savoir du coup ce que tu lui dis à peu près, de manière. Pour savoir si tu peux avoir un bonus supplémentaire. Alors, en effet, non, de mon côté, je vais simplement donner ça plutôt comme un ordre. Il vaut mieux pas paraître faible pour ses, vis-à-vis de ses soldats pour pas qu'il ne quitte le navire. Donc je vais simplement venir la voir et lui faire ça va faire trop longtemps qu'on n'est pas sorti ici, je t'emmène nous dégourdir les jambes. Ok, donc ton autoritaire, etc. Alors je vais regarder juste pour savoir. Ah oui, tu as 4 en empathie et tu n'as pas psycho... si tu as une psychologie. Ah oui, donc tu as déjà 5D, sachant que du coup tu passes à 6 et je t'autorise. Je vais juste regarder les stats parce que là, pour le coup. Bon, allez, je te fais passer à 8D. Ce qui fait que tu as 77% de réussite. voilà. Donc, effectivement, les dés bonus sont les dés de compétences parce que c'est ceux qui ne provoquent pas des horreurs quand il y a des 1. Il est tombé par terre, il avait fait 6, c'est dommage. Ah. Il est cassé maintenant. Eh bien, c'est un échec. 5, 1, 2, 5, 2, 2, 2, 1. Alors, je suis très étonné avec 77% de chance. Tout dommage, comme... celui qui est tombé par terre, il avait fait 6. Mais il est cassé avant qu'il a... Et... Tout comme Klinger, je vais te poser cette question. Soit tu acceptes le fait qu'elle te refuse clairement à cause de ce qui vient de se passer, parce que tout en restant fidèle à toi, bien entendu, la proposition du collectionnaire n'est pas intéressante en soi, mais elle est intrigante et que elle veut quand même savoir ce qui se cache derrière. Tu vas le pousser? J'ai, ouais. Okay. Sachant c'est que un ordre. Juste pour finir, voilà. Peut-être aussi que le fait que quand t'as vu très bouleversé joue un peu sur ce qu'il ressent de toi. C'est pour ça que je vais... Il faut pas et donc, que laisser se faire aller. Je relance 6 dés, c'est ça? Du coup, vu que j'ai eu 2, 1. Oui, voilà, tu ne relances pas les dés. Ah, réussite. J'ai eu peur. Est-ce que tu as eu de nouveau? J'ai refait un. Alors du coup, tu vas gagner, suite à ce jet, 3 points de mutation, mais aussi 3 points de traumatisme. Dans du coup, l'attribut utilisé, c'est-à-dire l'empathie. Donc à partir de maintenant, tu as un malus de 3 sur ton empathie. Ok. Jusqu'à repos. Au besoin, même si là je pense que tu vas pas le faire tout de suite parce que vu la situation, mais au besoin, l'empathie, ça se soigne justement quand les gens font preuve d'empathie envers vous. Donc un signe de gentillesse, un câlin, etc. C'est le genre de truc qui revigore votre doute en vous-même. Et c'est vrai que le fait qu'elle t'a refusé, oui, ça t'a très mal mis sur le coup. Quand tu as voulu te la jouer autoritaire, tu as voulu montrer qu'Astrid était toujours dans la place. Et malheureusement, il semblerait que tu n'arrives pas tant que ça. Et du coup, ça t'a mis un gros doute quand t'as juste dit que non, elle préférait juste voir ce qui se tramait dans l'arche. Comme si tu as fait preuve d'une plus grande autorité. Tu as clairement indiqué que tu n'étais pas là pour rigoler et que c'était un ordre. Du coup, elle l'accepte. Mais toi, de ton côté, ça t'a demandé un effort de pas t'effondrer sur le coup avec toute la situation, la charge émotionnelle, etc. Par conséquent, tu es en prise de doute de manière temporaire, ce qui ton empathie sera baissée pour les prochaines heures jusqu'à repos et se revigorer, je sais pas comment on dit ça, bref, revigorer. Jusqu'à temps que ça aille mieux. Merci revigorer, désolé. Moi, c'est, du coup, malgré tout, tu réussis toi aussi à avoir un soutien. On va donc pouvoir passer du côté du fracasseur, qui lui par contre n'est pas un joueur, donc pour vous, il n'y a rien à faire. Vous retrouvez du coup, je pense, proche de la sortie tout simplement de l'arche. C'est-à-dire sûrement en fait en bas, juste avant de devoir monter sur le toit de l'arche, qui je rappelle est une ruine en fait d'un ancien stade qui a été, du coup, qui n'est plus un stade aujourd'hui, mais je l'indique parce que c'est vrai que comme nous on l'a créé ensemble, je l'indique peut-être un peu moins, mais il y a des gens qui nous écoutent. Et peut-être qu'il du coup se figure un peu moins l'arche par rapport à nous. Et donc du coup, qui est cet énorme stade qui n'a plus rien d'un stade. Hein, le bas est inondé, le quartier fangeux avec l'eau, etc. Et le quartier des anges qui s'est construit sur les gradins, mais qui n'a plus rien de gradin aujourd'hui, effectivement. C'est des baraques, c'est des maisons, c'est des constructions. Vous vous retrouvez du coup devant l'accès en fait au toit. Vous retrouvez Klinger, Astrid. Klinger, tu es accompagné de ce maître chien, dont je vais te donner le nom dès à présent. C'est un maître chien qui se nomme Bri. Et donc Bri, qui, petite description, hein, comme ça vous figurez un peu, est un homme du coup avec une énorme frange noire et un cache-œil qui est totalement déformé. Pour le coup, vous savez que c'est quelqu'un malgré tout d'un peu impulsif. Enfin, vous savez surtout toi, Klinger, parce que tu, en tant que maître chien, du coup, voilà, entre maître chien, vu que vous n'êtes pas des centaines, ça se serre un peu les coudes, donc tu connais un peu qui peut être assez impulsif sur le coup. Donc c'est un bon soutien, mais il faudra faire attention à ce qu'il ne pète pas un plomb sur le trajet. Toi, du coup, Astrid, tu es accompagné de... Et j'ai réussi à perdre son nom en 2 secondes, je suis un génie, je suis désolé. Ingrid, qui, pour le coup, est ta fracasseuse, presque ton bras droit, j'ai envie de dire, depuis un bon bout de temps. Donc tu sais que cette intimidante femme, tu sais que malgré le doute qu'elle t'a fait... connaître est quelqu'un de fiable. Et enfin, arrive, du coup, le fracasseur, Valérian, qui arrive seul. Oui, effectivement, dans l'ellipse, tu as pu manger ta ration de nourriture, que je suppose tu as divisé avec ton chien. Normalement, je le compterais comme le fait que tu n'as pas mangé une ration complète, mais je te laisse passer Pour le coup, parce qu'on est en ellipse, c'est parce que je pense que tu es habitué à manger peut-être un peu moins de la moyenne pour laisser un peu plus à ton chien. Valérian arrive seul. Et il arrive avec un regard que tu n'as sûrement jamais connu, Astrid, un regard un peu désolé. Qui clairement fait tache un peu avec sa carrure de grosse brute, qui fait, comme tu l'as dit, on peut remplir 5 Astrid avec lui. Et il arrive. J'ai trouvé personne pour m'épauler, alors. Même si ça veut dire que je vais devoir encore un peu plus. Enfin, bref, je viens. Ok. Bon. On n'a pas une minute à perdre. Allons-y, est-ce que tout le monde a tout ce qu'il lui faut ? Équipement de base. Comme présenté durant les règles, vous avez ce que vous avez écrit littéralement sur votre équipement. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais vous n'aurez pas de mauvaise surprise, du coup, si voilà, vous dites « j'ai pas une corne ». Effectivement, vous n'avez pas marqué « corne » du coup sur vous, vous n'avez que... J'allais parler de corde. Qu'est-ce que j'ai, moi ? Je vois plus ça du tout. L'équipement. Ouais, pour le coup, là, pour le coup, il n'y a quasiment rien. Tu n'as... Tu n'as pas de bouffe. Donc il va falloir que tu bouffes dans la journée, d'ailleurs, avant ce soir, mais ça va. Mais tu as un pistolet de fortune, hein, qui est ton arme dans lequel tu as 7 balles. Ok. Très bien. Tu vas donc... nous allons donc, pardon, excusez-moi, sortir de l'arche. C'est ça. Vous... Voilà, première fois. Oui. Vous montez sur le toit de l'arche. Vous savez que le toit de l'arche, du coup, hein, c'est cette toiture de l'arène et de l'arène du terrain de foot, et que l'eau arrive plus ou moins au niveau du toit. Donc ça vous donne pour vous un côté rayonnant. Et rayonnant. Un côté. Pardon. Avec de l'eau, quoi. Désolé, je. La fatigue. Du coup. Oui, c'est des reflets de soleil un peu sur le. Voilà, rayonnant, ce qu'il y a des reflets de soleil. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, on se comprend. Vous arrivez du coup face à ce spectacle avec peut-être une petite angoisse, malgré le fait que pour certains la mission est là parce qu'il le faut. C'est la première fois que vous sortez de la zone, de votre vie. Il y a eu quelques zonards qui sont sortis de là, mais honnêtement, les zonards aujourd'hui ils se comptent sur les doigts de la main dans l'arche. Et ils sont tous été jusqu'à très récemment moqués parce qu'ils avaient des lubies de sortie de l'arche alors que c'était totalement interdit. Aujourd'hui, vous vous dites que peut-être ils avaient peut-être un peu mieux compris la situation que vous. En tout cas, il va falloir faire ce qu'eux ont fait. Grâce à eux, d'ailleurs, vous savez comment atterrir sur la rive la plus proche. C'est ce que vous allez faire. Une petite barque a été déposée. Cette barque, c'est les zonards qui l'ont trouvée, fabriquée et qui la maintiennent. Il y a en tout, d'ailleurs pour l'arche entière, 3 barques qui font des allers-retours par rapport au nombre qui sont partis. Le fait qu'il reste 2 barques vous indique d'ailleurs que les chasseurs ne sont pas encore entrés. Vous prenez une barque. Honnêtement, vous n'êtes pas très rassuré. C'est du vieux bois, des vieux matériaux réutilisés pour coller le bois entre eux. Vous dites même que la pire des baraques qui existent actuellement dans l'arche a l'air beaucoup plus solide que sur quoi vous êtes assis. Vous rentrez d'ailleurs tous dans la même barque, pour la simple et bonne raison que si vous prenez 2 barques, vous risquez de mettre dans la merde la moindre personne qui voudrait sortir de l'arche. Je frémis dans un tracasseur, ça soit... Tout à fait. Alors en vrai, tu peux frémir dans la moindre personne, ça soit, parce que... Toi-même, quand tu étais seul, tu te sentais pas rassuré. À chaque personne qui a rejoint la barque, tu dis que ça va pas tenir jusqu'au... C'est pas si mal qu'on ait pas été au complet. Tu dis que c'est... Oui. Bon, tu me diras, 2 hommes du fracasseur, ça peut faire sa taille. Hein. Ce que j'allais dire, d'autant plus qu'on sait pas nager, a priori. Non, pour le coup... Peut-être que ça... En vrai, si la situation se... arrive, je pourrais vous demander... Ok. Hein. Tout comme pour la lecture, vous laissez une chance parce que bon, vous êtes des personnages joueurs, vous avez droit à quelques petits privilèges. Mais effectivement, une bonne partie c'est pas nager. Ceux qui savent nager, c'est surtout les mutants amphibiens, hein, on va pas se mentir, qui bah, du coup comme sont poissons, ont plus de facilité avec ça. Du coup, vous prenez cette barque, vous commencez à ramer. Pour ramer d'ailleurs, vous utilisez une espèce de vieux panneau en fer rouillé qui vous permet en fait d'utiliser ça comme pague. Vous êtes sur tout simplement les meilleures des ressources qu'a pu utiliser les Zonards. Parce que, encore une fois, jusqu'à peu, ils étaient moqués. Donc, quand ils avaient des projets de construire une barque, bah, on leur disait que c'était totalement absurde et inutile. Hein. Et donc, du coup, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Au bout d'un certain temps, peut-être 30 minutes, une heure et demie, difficile à savoir. En tout cas, le soleil avance dans sa traversée. Vous pouvez pas dire exactement, juste en regardant le soleil, à peu près quelle heure il est, étant donné que vous n'avez pas l'habitude de vous baser sur lui, mais effectivement, hein, ça commence à vous trotter dans la tête que l'aîné a déjà parlé de systèmes qui marchent pour donner l'heure grâce au soleil. En tout cas, après ce trajet qui vous a paru plus ou moins long, vous arrivez enfin sur l'interfère. Vous arrivez, du coup... je vais vous demander de sortir la map, puisque c'est là que tous les choix vont se faire. Hop. Ah. Juste, je vais prendre... Donc on sort celle avec le carré blanc. Oui. Enfin, le carré... Voilà, la map qui vous indique ce que vous savez. Point rouge. C'est nous. Enfin, c'est le stade. C'est le stade, même si en fait il est plus dans l'Oxa, puisque effectivement on a un peu modifié la géographie du lieu pour faire entrer avec l'idée de l'arche. Donc du coup on imagine que l'arche est en fait un peu plus reculée par rapport à ce que vous avez fait, ce qui a marqué là sur le pont. Mais du coup vous arrivez sur la terre ferme par plus ou moins le point rouge. Et la question qui va se poser, c'est du coup, vers où explorer ? Si on devrait nommer ça en secteur, en fait, le secteur 0, c'est le secteur où il y a l'arche et le carré rempli. Le carré, vous savez, qui est en bas, donc le marais, puisque c'est là où vous allez arriver, il n'est pas rempli. Par conséquent, je considère qu'il est possible de faire de l'exploration dedans. Cependant, cette exploration-là sera plus rapide et aura moins de ressources. Vous voyez que c'est là que les Zonards ont déjà fait leur trajet. Ok. Donc, comment ça marche, en fait, pour vous expliquer sur système un peu complet. C'est un peu dommage que je fasse ça aujourd'hui avec, du coup, un joueur qui part, il n'y a qu'un seul qui reste, du coup, il faudrait que je réexplique, mais j'explique pour la forme. Comment ça marche, c'est très simple, c'est que, à partir du moment où vous aurez fini de découvrir les carrés non complets liés à l'activité des Zonards, en fait, il faudra, du coup... explorer, voilà, je sais pas pourquoi j'utilise le mot depuis tout à l'heure, il venait plus revenir. Explorer en fait case par case. C'est littéralement en fait en mode déplacement, jeu de plateau. Le truc c'est qu'une case, du coup, comme je l'ai dit, c'est du 30 km², il me semble. C'est, il me semble que c'est ça, hein, 30 km, il faut que je vérifie mon information. Mais il me semble que c'est en fait 30 km pour faire largeur-longueur, donc c'est quand même une grosse zone. Hein. Et là-dedans, en fait, à chaque fois, va être généré plus ou moins aléatoirement le contenu de ce secteur. Le truc, c'est qu'une fois découvert, les ressources ne reviennent pas en soi. Donc si, par exemple, vous trouvez, comme prévu, une pharmacie, personne ne va venir la remplir derrière vous. Ça semble plutôt logique. Cependant, il peut arriver des événements où les zones explorées, finalement, ont quand même de la vie. Par exemple, c'est tout bête, mais des gens peuvent s'installer dans une pharmacie que vous avez déjà vidée. Voilà. Donc, il peut arriver des événements comme ça, mais nous ne sommes pas non plus dans un système pur Bethesda où tu attends une semaine et du coup, tout le monde dans la grotte, etc., est revenu et tu as de nouveau des ressources à piller. On est sur un système où il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il se passe quelque chose pour réavoir de nouvelles ressources. Donc, il faudra aller de plus en plus loin et découvrir de nouveaux secrets. On va pouvoir, du coup, savoir plus ou moins comment vous organiser. On va partir du principe que le carré est rempli. En fait, je vais considérer que le bout du carré là exploré, donc le carré sud. Hein. D'ailleurs, je... Ah oui, c'est vrai. Ben, je suis bête. En plus, il y a une graduation qui permet de les nommer. Donc, M8. Donc, ce carré là qui est incomplet. Je vais considérer que son exploration du petit bout fait partie de l'exploration de l'autre secteur sur lequel vous allez vous intéresser. Donc la question, c'est sur quel secteur vous allez, sachant que du coup, de manière logique, il faut qu'il soit collé, hein, on ne peut pas sauter un secteur. Et donc du coup, vous avez le choix sur le secteur qui se trouve à l'ouest, à l'est ou au sud. Donc pour donner les vrais noms, Ouais, le M7, M9 et le N8. Donc je vous demande tout simplement où est-ce que vous voulez aller par rapport à ça. On est juste, on est d'accord. Est-ce qu'on a accès à cette map? À la map où vous voyez le truc, c'est en fait une map qui est dans l'univers. On vous a montré. C'est les zonards qui la font, si vous préférez. Ce qui explique aussi, ça permet de l'indiquer, mais que les indications qui sont écrites dessus sont des indications non sûres. C'est-à-dire que, vu que c'est pas exploré ce qu'il y a au sud, c'est des rumeurs, c'est des trucs où on dit « Ah oui, il y a un zonard qui serait allé là-bas », par conséquent, ça avoue à chaque fois de prendre le risque de peut-être, par exemple, là où il y a marqué « Mines », de peut-être aller sur un champ de mine, ou peut-être ce n'est qu'une légende. Ok. Voilà. Du coup, moi, en soi, oui, vous avez conscience de cette carte. Personnellement, j'aurais proposé d'aller en M7 parce que au niveau de la topographie, c'est là où il y a peut-être le plus de choses à explorer. Oui. Et en effet, là d'avoir un croisement entre différentes routes. Et puis il y a le M9, il y a déjà beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau dans la case, donc. Ouais. Non, mais je suis d'accord, ça me paraît être le choix le plus judicieux. On aura plus de chances de trouver des bâtiments et donc des médicaments. Le M7. Ouais. Parfait. Donc, vous avez atterri sur la terre ferme. Et du coup, vous arrivez à la frontière, plus ou moins, de ce qui est appelé le marais. Donc effectivement, vous savez que vous, en fait, il est visible même à partir de l'arche, mais se trouve en fait quasiment face à l'arche, mais plus éloigné du coup, un énorme marais. Vous décidez de ne pas aller dans cette direction, et vous décidez plutôt de partir vers l'ouest. Vous dirigez donc par là. Vous savez plutôt par le manque de traces qui se trouve au sol, que ce n'est pas par là que s'est dirigé les chasseurs. Donc sûrement qu'eux sont partis de l'autre côté ou vers le marais pour vous ramener de la nourriture. D'ailleurs, vous notez que malgré tout ce temps, vous n'avez toujours pas croisé les chasseurs. En espérant qu'il leur ait rien arrivé, ça serait dommage à ce moment-là. Vous avancez en groupe, tous ensemble. Vous êtes, si je me trompe pas, du coup, chacun avec un soutien plus une personne, donc vous êtes 5. Un groupe, en fait, plutôt rationnel en termes de taille, qui permet de se sécuriser. Tout en étant assez peu nombreux que s'il y a un problème, avoir une réactivité assez forte. Vous avancez. Et au bout d'un certain temps de marche, dans lequel vous êtes resté peut-être assez silencieux, concentré, surtout Astrid, qui semble pas forcément vouloir s'imposer comme chef de groupe, mais qui... par sa posture et peut-être ce qu'elle a vécu récemment, essaie de tenir une certaine, peut-être, je sais pas, dureté, prestance, je sais pas ce qui te convient. Oui, non, en effet, complètement. En tout cas, très rapidement, on commençait à avoir des formes apparaître dans le ciel. Ces formes, c'est celles d'un étrange tas de ferraille, mais pas collés les uns contre les autres comme une vieille casse, comme pour ressembler vos maisons dans l'arche. Plus une énorme machinerie comme celle dont vous parlait l'aîné autrefois. Elle est encore loin, vous savez que vous avez de la marche pour l'atteindre, mais ces énormes ferrailles qui forment des cercles, des vagues, vous savez pas, qui se lient les uns aux autres, est plutôt intriguant. Vous savez pas vraiment à quoi vous attendre, et des formes un peu étranges tournent vers là-bas. D'accord. Le soleil est plus ou moins à son paroxysme dans le ciel, ce qui vous permet d'être dans une chaleur pour l'instant confortable, excusez-moi. Et il me semble d'ailleurs, pour savoir, mais Patrick, tu n'as pas encore mangé de la journée. Sachant qu'on n'est pas le soir, ce n'est pas encore grave, mais ok, c'est pour savoir. Oui, non, on est d'accord. Justement, du coup, Astrid, et c'est peut-être le cas du maître chien vous accompagnant, tu sais que par le stress que ça te provoque, tu aurais presque envie de plonger dans tes plus noirs désirs et retourner te chercher une ration de bouffe dans ta chambre et te juste pouvoir extérioriser peut-être ce stress. Oui, la situation est plutôt critique, alarmante. En effet, si jamais on peut tomber sur un petit animal ou autre, je serais ravi de lui faire. Étrangement, au milieu de toutes ces feuilles, toutes ces cette nature luxuriante, hein, pour le coup, plus vous avancez et plus vous apprenez que ce que racontaient les Onars est vrai. Vous arrivez à une zone absolument grandissante de faune et de flore. Vous pensiez que ce que vous voyez depuis l'arche représentait la faune vous entourant, mais... ah là là, le peu de terre ferme que vous voyez ne représente pas du tout. Mais pas du tout. Toutes ces feuilles montant, toutes ces fleurs dont vous ne connaissez même pas le nom. Même pas si elles sont comestibles, dangereuses peut-être. Vous ne savez rien sur ce qui vous entoure. Tout ce que vous savez, c'est que vous continuez d'avancer. Visiblement vers le gros tas de ferraille. Il semble inévitable et puis de toute façon, c'est la seule construction, donc peut-être que votre chance est par là-bas. Continuez d'avancer. J'aimerais savoir, avec le temps avançant, dans quelle disposition avancez-vous ? Dans quel ordre exactement ? Sachant que je vous laisse placer les PNJ dans l'ordre que vous souhaitez. Je vais sans doute moi passer en première. Étant donné que je suis la plus petite, je peux être ainsi plutôt discrète. Mais je vais quand même essayer de garder le fracasseur pas loin derrière. Puisque au cas où il m'arrive quelque chose, qu'une bestiole me tombe dessus, il sera là pour me défendre. J'imagine quand même que le chien et le maître chien pourraient rester à proximité aussi. Parce que le chien, paraît-il, de par leur flair, peuvent... Je parle de Klinger. oui, t'inquiète. Parce qu'il y a pas son chien, l'autre... Il a pas son chien, donc en fait. Exactement. Lui, il peut fermer la marche. idem, Ingrid avec son masque de jockey. Enfin, de hockey, pardon, je suis pas sûr qu'elle voit grand chose. Peut-être pas très pertinent de la mettre tout devant. Très bien. Du coup, si je résume l'ordre, mais Astrid, Valérian, Klinger. Comme j'ai changé de page, j'ai oublié, pardon, mais Grit et Brie. Le maître chien. Brie, merci. Parfait. Du coup, vous avancez dans cet ordre. Ordre qui semble assez rassurant, c'est vrai. Un fracasseur est placé plutôt en avant, ce qui lui permet d'avoir une certaine réactivité face au combat. Toi, c'est vrai qu'il y a un côté rassurant d'être au milieu, Klinger. Et tu sens que ton chien est... réagit assez étrangement en fait. C'est la première fois qu'il voit, qu'il sent et qu'il ressent tout simplement l'extérieur de l'arche. Et il est entre la crainte et la joie tout simplement de pouvoir avoir une vraie zone dans laquelle il peut se défouler. Mais malgré tout, il reste à ton pied, comprenant que la situation est grave, peut-être pas. Peut-être qu'il ne ressent pas toutes les nuances de cette situation, mais il comprend que dans le groupe, l'ambiance n'est pas la même. Vous avancez. J'ai demandé, du coup, au personnage joueur de me faire un jet d'observation, s'il vous plaît. Alors, visiblement, j'ai une case de cocher dans confusion, donc on est d'accord ? Je jette un dé en moins. C'est ça. Tu commences à avoir pas mal de malus, Astrid. Ouais, non, mais c'est cohérent avec la situation. Est-ce que, c'est du vrai. Coup, comme je suis en observation, mais est-ce que je peux compter le lâcher de chien, parce qu'il y a le chien avec moi, qui va observer avec moi quelque part, quand même ? Je vais te demander de faire plus que ça. Un jet pour toi et un jet avec lâcher de chien pour voir si tu me sépares les deux jets pour que je sache si c'est toi ou le chien qui voit s'il y a quelque chose à voir. Donc c'est un jet mes 3 d'observation et lui les 3 de lâcher de chien. C'est ça ? Tu fais alors tu as coupé donc du coup je vais répondre mais effectivement tes points de c'est intellect observation c'est ça ? C'est ça. Quoi ? C'est ça, intellect. Oui. Oui, ok, intellect. Bah du coup t'es 3 d'intellect effectivement et 0 en observation. pour commencer. Oui. Ça, c'est toi, c'est pour ton personnage Kinger. Ouais. Et après, tu fais effectivement 3 et 3. D'accord. Et ça, ça sera pour ton chien. Alors, j'ai une réussite avec moi tout seul. Très bien. Et maintenant, je lance 6 dés, en fait. Ouais. C'est ça. Et j'ai une réussite aussi. Ok. Et Astrid ? Moi, de mon côté, aucune réussite, aucun 1. Ok. En même temps, tu es en tête de liste. Et tu te focalises surtout sur ce qui est proche de toi. Hein, clairement, si quelque chose vient surgir derrière chacune des feuilles que tu es obligé de pousser de tes mains pour pouvoir tracer le chemin, ce qui se passe un peu plus haut ne t'intéresse guère. Par contre, suite à un petit grognement, pas un aboiement, mais un petit grognement de Flint, toi, Klinger, tu as le réflexe de lever les yeux au ciel. Et sur ces structures, du coup, métalliques, un petit détail vous échappait de loin, quelque chose qui était assez difficile à cerner, mais plus tu avances et plus des formes semblent littéralement pendre de ces... J'allais dire machinerie, ça marche. Pendre, quelque chose qui... accroché. Tu sais pas, les formes sont très vagues. Ok. Comme si c'était... Enfin, des formes... j'arrive pas à discerner si c'est humaine ou... ou si c'est juste... Est-ce que je le vois moi ça ou pas? Ah non, il a... je vois qu'il est encore bon. Non, non. Ah non, c'est bon. Non, non, tu... enfin, tant qu'il ne signale rien. Je te dis ça, je te dis deux secondes. Ok, c'est le cahier qui veut venir. Oui. Ah on va se retrouver. Pour le coup, tu n'arrives pas trop à cerner si c'est... humain ou pas, c'est... Tu penses pas que ce soit humain. C'est pas un corps pendu, littéralement. Mais tu ne sais pas discerner la forme. C'est quelque chose d'assez ovale, gros, et... qui semble être un peu présent partout sur les grosses ferrailles. Du coup, pendant qu'on avance, j'ai Astrid. Tu peux jeter un œil vite fait là-bas, là. J'ai l'impression de voir des trucs suspendus là sur les formes du fond là. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose? Je relève un peu la tête et ouais, en effet, maintenant que tu le dis, on dirait qu'il y a... c'est étrange, ouais. Entendant votre conversation, tout le groupe suit votre regard. Valérian réagit. Vous souvenez de l'histoire que l'aîné racontait quand on était gamin? Il y avait des énormes piafs qui vivaient dans la ferraille et qui pouvaient... Vous savez, faire ça à certaines créatures. C'est censé être une histoire, hein, mais... Tu dirais que c'est des oiseaux qui suspendraient les... Je dis juste que... Il y a... Ouais. Ça me paraît plus... Ça me fait penser à une histoire. Mais restons sur nos gardes quand même, on sait jamais. Ouais, restons sur nos gardes, mais... Des oiseaux... Ça paraît pas probable, mais... Non, mais c'est... C'était juste... Ouais, ça me faisait penser. De toute façon, on va dans la direction, donc au fur et à mesure, on va bien voir... On va finir par voir ce que c'est. Hein. D'ailleurs, qui est armé d'une arme à feu dans le groupe? Ben moi j'ai un fusil, mais j'ai qu'une balle. Moi, ouais, je sais m'en servir. Maintenant, si on est face à une créature géante, je suis pas sûr que ça sera très très efficace. Ok, donc sur 5, on est 3 armés. Et en plus de ça, l'un d'entre nous a à peine de quoi tirer. Tu vois qu'il plonge sa main dans sa poche. Te sort une petite poignée de balles. Ce que tu n'utilises pas, tu me le rends. Ok, merci. Je la prends et je la mets dans une poche différente. C'est surtout pour Klinger. Ah, d'accord. Enfin, il me semble que tu as 7 balles. Tu en as 7, non? Oui, oui. Ou ce qui est une bonne moyenne par rapport à la situation. D'accord, ok. Je tends la main et je récupère. Du coup, CRP, mon personnage, je pense vraiment que c'est pour lui. Que... D'accord. Il y a ce petit malaise quand tu vois qu'il... quand tu te retournes pour prendre et que tu vois Klinger déjà reprendre les balles. Il me donne combien? Du coup, tu en as... Alors, je lance un des 6 parce que de toute façon, c'est entre 1 et 6. Il peut pas donner plus que ça parce que sinon... Okay. Je relance parce que tu as fait 1, c'est cool. Ok. Tu as 3 balles. Ok, ça m'en fait 4. C'est ça. Je lui remercie. Tu vois, il salue de la tête. Et j'espère ne pas avoir à m'en servir. Ouais. Moi aussi, comme ça me fera de quoi troquer en cas de problème. Parce que effectivement, vous savez que dans l'arche, ça me permet de valider un peu ce point-là. Il n'y a pas de monnaie dans l'arche, c'est que du troc. Plus que ça, c'est que les balles sont un peu une monnaie officieuse. Mais en soi, c'est du troc pour tout. C'est-à-dire que bah, t'as besoin d'un truc, je te donne un truc. Les balles sont devenues, en fait, avec le temps, vu que c'est une ressource rare et très utile, c'est devenu plus ou moins la monnaie de troc. Mais, et facilement transportable, ça c'est totalement vrai. Mais du coup, c'est vrai que pour l'instant, votre culture et technologie n'est pas énormément développée, vous n'avez pas une connaissance de la monnaie, etc. Et donc du coup, les balles n'ont qu'une valeur purement de troc et d'armes, du coup. Mais voilà, c'est des choses qui pourront se développer dans la vie. En tout cas... À ces mots, vous continuez d'avancer dans... Oui, il y a une question. Non, d'accord, j'ai cru. Il y avait une petite aspiration, donc... du coup, vous continuez à vous avancer. J'aimerais... Non, pas maintenant, un peu plus tard. Bon, bah, laissez... Le temps s'installer. Continuez à avancer durant quasiment... Facilement, j'ai même envie de dire, tout l'après-midi. Vous avez fait des pauses quand le besoin se faisait sentir. Vous avez de temps en temps pris un peu de hauteur grâce à des arbres, à ce genre de choses pouvant monter rapidement. Et pour voir s'il y avait d'autres choses qui vous entouraient, tout simplement. Mais malheureusement, mis à part ces structures métalliques dans lesquelles vous commencez à être très proche, il n'y a jamais rien eu d'autre. Pas de construction, etc. Vous arrivez, malgré tout, devant une énorme grille de ferraille. Cette grille est plus ou moins circulaire. Elle est énorme, vous n'en voyez pas la fin. Et elle est juste coupée face à vous. Et dans cette coupure se trouve encore plus de ferraille montant jusqu'au haut. Ça forme, vous le savez, des portes. Derrière ces portes, ce que vous pouvez voir à travers la grille, se trouve toute cette machinerie, toute cette construction de ferraille. Des bâtiments que vous ne voyez pas de loin sont là. Des bâtiments plus ou moins délabrés. Beaucoup sont détruits. D'autres semblent encore tenir la route. C'est à perte de vue. Vous ne savez littéralement pas quelle taille fait cet endroit qui est devant vous. Ça a l'air totalement abandonné, mis à part peut-être ces éléments étranges qui sont au sommet de certaines structures de ferraille. Vous n'y avez vu pour l'instant aucune vie, rien qui puisse vous inquiéter plus de raison. Vous êtes face à ces énormes portes. Sur ces portes d'ailleurs, semble être écrit... 3 lettres, WEL, vous savez pas trop ce que c'est. D'ailleurs, vous êtes que les deux du groupe à savoir lire, donc vous n'avez que vous qui avez cette information. Les autres ne voyant qu'une calligraphie sans plus de sens. Vous faites face à ces portes. tombé en derrière vous se trouve ce champ. Et donc effectivement, je vais demander du coup un petit test de force à ceux qui vont essayer de pousser la porte. J'imagine le fracasseur. C'est pas moi qui vais me mouiller. Bah, je vais aider à le faire. Très bien. Tu vas aider à le faire. Voilà, les têtes du frappe. Donc force, ça se trouve dans vigueur, il me semble, si je ne dis pas bêtise. Vigueur, exactement. Eh, c'est bien, j'arrive à trouver mes caracs sans regarder l'affiche maintenant. Donc, du coup, il a... Oh, oui, d'accord. C'est souvent un classique, hein. Force, vigueur. Oui. Je suppose que je lance les dés. Oui. C'est une réussite. Ok. Vous voyez le fracasseur se jeter sur la porte en fer et mettre toute sa force, devenir rouge, voire littéralement de la sueur, pendant 31 minutes sans que rien ne bouge. Il force. À ça, le maître chien décide, du coup, Klinger, d'intervenir afin de voir s'il ne peut pas aider. Il se met sur le côté et pousse à son tour. La difficulté est énorme. Tu sens que ça bouge sous tes mains, mais que ça demande une force extraordinaire. Vous vous mettez tous les deux à mettre absolument toutes vos ressources en jeu. Quand au bout d'un moment, un énorme bruit retentit, un gros cling, et les portes s'ouvrent sous vos poids. Vous êtes à la limite de trébucher, vous arrivez malgré tout à garder équilibre, et vous faites face du coup à l'intérieur de cet énorme rassemblement de ferraille. Les autres du groupe peuvent vous rejoindre. Et j'aimerais savoir du coup vers où se trouvent vos points d'intérêt, comment vous réagissez. Alors j'ai entendu dire avant de partir que, en tout cas en renseignant, que les pharmacies étaient ornées du même symbole qu'on pouvait trouver sur les trousses de soins, cette espèce de croix de couleur. Alors je scrute l'horizon en espérant pouvoir en trouver une. Tu scrutes. Dans l'entourage direct, donc encore une fois, hein, le truc continue à perdre de vue. Mais dans ce que tu vois directement, rien ne correspond à cette fameuse croix que tu as vue sur les trousses des chroniqueurs. Pour ma part, je concentrerai plus vers les structures les plus... les moins endommagées. Celles qui seraient les mieux conservées, où il y aurait peut-être des choses à trouver. Sachant qu'a priori, le lieu n'a jamais été fouillé, puisque les portes sont fermées. Effectivement. Du coup, ouais, pour ma part, je me concentrerai plus vers ce qui est le plus, enfin le mieux conservé, quoi. Et aller vers là, si c'est possible. Mais du coup, bâtiment ou structure? Parce que les structures, du coup, c'est les gros trucs de ferraille. Ah là non, où non, les bâtiments, hein, bâtiment, là, c'est... Les structures, ça reste, c'est secondaire, on va dire. C'est d'abord, il faut trouver un endroit où aller. Oui. Mmh, tout à fait. Tu observes autour de toi. C'est vrai que en bon état est sûrement quelque chose de difficile à définir dans ce lieu, mais mis à part ces structures, qui sont vraiment pour le coup ce qui ressort le mieux, ce qui n'est pas dominé par la nature en fait, qui a tout simplement repris sûrement ses droits sur ces lieux. Tous les bâtiments sont remplis de fleurs, oui, de feuilles, Il me semble que c'est des feuilles de liège, non? Il me semble qu'ils sont les trucs qui... Le lierre, lierre grimpant. Le lierre, merci, ça. C'est ça. Le liège. Ah, d'accord, oui. du coup, ouais, des lierres, qui sont absolument, par contre, tous les bâtiments, même ceux qui ont l'air les moins délabrés, sont remplis de lierre absolument partout. Tu te diriges à un de ces bâtiments, te disant que c'est sûrement ce qu'il y a de mieux, en tout cas dans ton entourage proche. Face à toi, du coup, c'est un bâtiment qui fait deux fois ta largeur. C'est vraiment petit, pour le coup. Une entrée principale qui est ouverte. est tout simplement une pièce plongée dans le noir naturel face à toi. Tu vas pouvoir rentrer. Flint devant moi, enfin, juste à côté de moi. Mm-hmm. Je me fie quand même vachement à lui dans le sens où si c'est plongé dans le noir, les chiens ont quand même des aptitudes. De... Oh. Que je sache, toi, tu n'as pas la capacité je de pouvoir t'éclairer. Par contre, on sait que Astrid, pour le coup, au besoin, pourra venir t'éclairer. Il me semble que son sort ne coûte qu'un point de mutation, c'est ça. Je l'appelle. Tu m'appelles. Ok. Ça ne veut pas dire que tu veux le faire maintenant. Tant que Finger ne demande pas, pour le coup, c'est pas le cas. On se connaît, donc je vais profiter. Voilà. Il vaut mieux aller à plusieurs que tenter d'y aller tout seul. Ok, donc du coup tu demandes à Astrid d'éclairer. Astrid, ouais. C'est ça, en effet, je vais utiliser donc ma luminescence pour pouvoir éclairer la zone. Tout à fait. Du coup, comment ça marche? Tu vas pouvoir. Il me semble que tu avais décrit en première session plus ou moins comment marchait ta luminescence. J'avais décrit ça comme une espèce de halo et ça rendait ma peau légèrement translucide. Ok. Du coup, de cette peau translucide, en fait, tu es capable de sortir cet halo et selon de le localiser dans un lieu. Ça dure à peu près une minute et ça coûte de manière, du coup, un peu moins élevée, mais un point de mutation. Donc, tu vas pouvoir le faire. Comme on le sait, tu ne peux pas échouer, mais je vais regarder si jamais ce qui se passe dans tes gènes qui mutent. Donc, comme tu n'utilises qu'un point de mutation pour le moment, tu vas jeter qu'un seul. 4. Ok. Et donc, tout se passe extrêmement bien. Tu sens maîtriser à perfection ce qui se passe dans ton corps. Ta peau redevient un peu translucide, luminescence, pour sortir cet halo et la concentrer, du coup, dans la salle. Tu éclaires un lieu plutôt intéressant dans le sens qui est meublé. Ce n'est pas un lieu totalement vidé. Est meublé d'absolument partout. Il semble avoir des armoires, des constructions ici à gauche et à droite. Pour le coup, toutes fermées. Ok. Et qui ne sont pas fracturées, etc. Donc voilà, quelque chose plutôt en bon état, ce qui est surprenant, quand même pris par la nature, donc il va falloir dégager un peu la lierre, les feuilles dessus. Mais vous avez face à vous pas mal de petits meublements. La pièce est composée uniquement de ça pour le coup, ce qui explique peut-être la taille. Avant toute chose, par pure sécurité, je vais quand même charger mon arme, mon fusil. Mettre, je sais pas si c'est du coup par coup, si c'est une balle dans le fusil ou pas, enfin une balle dans le chien ou pas. Alors, une balle dans le chien? Pourquoi tu veux tirer dans ton chien? C'est comme ça qu'on appelle normalement. Mais oui. Attends, je te dis ça parce que ça tombe bien, mais j'ai une description des armes. Ça. Ouais, donc faut savoir comment. Si c'est plusieurs. Non, mais tout à fait, je comprends la question. Toi, Astrid, d'ailleurs, est-ce que tu fais pareil voyant ton ami commencer à changer ce qui entraîne le fracasseur? Bah, tant que j'élimine, non, mais dès que, comment dire, on va dire, c'est stabilisé, que le pouvoir est en place, oui, en effet, je suis le réflexe. Très bien. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est le fusil de fortune. Ouais, je sais, je l'ai. Non, c'est parce que je pensais qu'en fait il y a une description de toutes les armes, mais là où je suis, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Mais j'ai l'illustration, donc je vais me baser dessus. Et non, ça a l'air d'être un magazine, tout simplement, avec du coup plusieurs balles. Bah, je les mets. Le fusil, d'ailleurs, je vais pas me gêner, mais je peux te le montrer. Hop. Ah, c'est ça? Donc je peux toutes les mettre, quoi, là, clairement. C'est ça. Ben je vais les mettre toutes à l'intérieur au cas où. Et je vais sélectionner sur coup par coup. Pas tirer une salve. Genre... Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de petite gâchette. Mais Parce que tout simplement, c'est une arme de fortune. Hein. Ça ne signifie pas que c'est une arme riche, ça signifie que c'est une arme qui a été construite avec des matériaux de base. Hein. D'accord, et bah écoute, ce serait du coup pas cool, de toute façon. Oui. Mais non, mais de toute façon, de base, je ne connais pas les armes pour faire des. Enfin, je connais pas les règles pour faire des trucs en rafale, donc ça sera du coup par coup parce que ça m'arrange. Une fois fait ça, je m'avance dans la pièce et je demande à Flint de rester quand même à côté et de d'essayer de m'indiquer si jamais il sent quelque chose. Lui, il est sur ses gardes, il est pas serein et du coup il reste en position au moins défensive tout le long. Et tu vois qu'il ne quitte pas son attention, il semble être à l'affût du moindre. Essayer de faire très attention à ce qu'il pourrait y avoir. Est-ce que d'ailleurs l'état du bâtiment est encore stable, je pense, notamment au niveau du plafond? Est-ce que ça risquerait pas de s'écrouler sur nous? S'il n'y a aucune intervention externe, tu penses qu'il n'y a pas de raison particulière que ça s'écroule, étant donné que effectivement Klinger a pris une des baraques qui a l'air le plus en état. Par contre, tu ne sais pas si effectivement s'il y a un déclencheur quelconque, si ça pourrait tenir moindre charge, etc. Mais tant que vous faites gaffe, normalement, tu te sens pas plus en danger que ça par rapport à ça. Écoute, du coup, je m'avance prudemment et je me dirige vers un des meubles ou l'armoire qui. Tu arrives vers un meuble. Tu vas pour. Les ouvrir. Les poignées tournent dans tes mains de manière tout à fait naturelle. Tu ne sais pas depuis quand c'est là, mais la question te traverse l'esprit de si c'est encore fonctionnable. Peut-être que finalement, c'est peut-être une intrusion par ailleurs. Dans tous les cas, tu ouvres. Et face à toi, tu trouves, j'ai envie de dire un peu désolé de ce que tu vois, une armoire totalement vide. Et bon, on va faire les autres. Oui. Et du coup, j'en ouvre une autre, à côté. Astrid se dirige vers une autre, l'ouvrant. Et malheureusement, tu as le même constat. Merde. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui sont venus ici pour tout fouiller, mais qui ont quand même pris le temps de refermer tous les tiroirs. Bon, bah, on va essayer un dernier. Bah, Déjà, avant que tu finisses ta phrase, les autres membres de votre équipe se sont mis à ouvrir... Les autres meubles pouvant être ouverts. Et assez rapidement, une dizaine de secondes, tout se retourne et. Vide. Ouais, à l'intérieur. Merde. C'est pas grave, c'est la première qu'on fait, on va pas tomber tout de suite sur un. Et gardez l'œil si vous voyez quelque chose en forme de croix. Enfin, en tout cas, avec un symbole de croix dessus. Ok. Appelez-moi immédiatement. T'en fais pas, je sais ce que tu cherches, enfin, je sais ce que. Le symbole des chroniqueurs. C'est Brie qui parle d'ailleurs. Oui, bien sûr. Non, mais j'indique qui est la personne, parce qu'après tout, il y a 3 PNJ à gérer. Par contre, moi j'avoue, j'étais plutôt confiant jusqu'à temps qu'on arrive face à ces meubles vides. Hein. Ça m'a l'air un peu. Étrange, ouais. Je pense qu'on devrait faire gaffe. Ce que je propose, c'est que on évite de se séparer et que si on se sépare, ça soit au moins par groupe, donc 2 et 3 minimum. Ça me va. Ok. À ces mots, vous sortez de là. Bah, j'ai vers une autre structure, une autre immeuble. Vous enfoncez. Au milieu de toute cette ferraille ambiante, il y a le sol est étrangement de plus en plus sale, plein de déchets qui traînent là, des choses incrustées dans le sol, du plastique, de la ferraille surtout. Le lieu est étonnamment rempli de ferraille, c'est-à-dire en dehors des structures, même tout le reste semble être imprégné de ferraille absolument partout. Est-ce que la ferraille pourrait être utile d'ailleurs au camp d'en ramener ? Alors effectivement, pour la construction, ça peut être intéressant. Par contre, il faut avoir de quoi le transporter parce que ça ne fait rien. C'est pas. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Ce que je disais du coup, c'est que la ferraille au sol est une ferraille que vous pouvez facilement considérer comme en trop, en plus, qui recouvre le sol. C'est littéralement des fois des grosses barres de fer, des petits morceaux de fer qui sont posés là de manière assez aléatoire. Quand vous marchez, vous le remarquez tout simplement pour la même raison que vous devez plus ou moins les enjamber par rapport à la taille, histoire de ne pas juste marcher dessus bêtement. Et vous vous enfoncez de plus en plus. Les bâtiments autour de vous sont pas mal délabrés, surtout en avançant. Et des petits bruits se font entendre. Des... assez indescriptibles en fait, mais... vous pensez pouvoir les entendre, effectivement, de temps en temps, c'est des... comme des bruits très furtifs, très rapides. À chaque fois, une des personnes du groupe réagit en regardant les autres, et... même si c'est pas toujours l'unanimité, il semble avoir accord sur le fait que ce n'est pas une hallucination et que ça semble être entendu par tous. J'aime définitivement pas ça. Effectivement. Vous avancez. Plus vous avancez, vous vous enfoncez dans la structure de ferraille. Si quelqu'un veut me couper, il a le droit. Je... Non, bah, vas-y. Très bien. Plus Flint, pour toi Klinger, te semble être de plus en plus agressif dans son comportement. Nerveux, quoi. Je crois qu'il commence un peu à... tout à fait nerveux, mais là où avant il était en position de défense, c'est-à-dire à l'affût et prêt à agir au moindre événement qui pourrait arriver, là, il lâche des petits aboiements, des grognements de plus en plus forts. Il a même les crocs constamment sortis. Là, je... déjà, je pose ma main sur la tête de Flint pour le caresser, un peu pour le calmer quelque part. Et je me tourne vers les autres. Je dis écoutez, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le secteur. Flint est comme ça quand il sent le danger. Soyez sur vos gardes. Le moindre mouvement suspect pourrait être un prédateur ou un ennemi potentiel. Ok, sur ces mots, je sors mon arme, je l'empoigne directement en main, prêt à tirer au moindre mouvement dans les parages. Je fais le même avec le fusil, hein, je l'ai dans un... Alors... je regarde un truc. J'ai demandé un jet. C'est que vous allez tous me lancer, vous êtes que deux, un des six. Et là, ajoutez le score. Oui, un seul dé. Je n'ai pas fini. Une fois que vous avez ce résultat, vous ajoutez ce score à votre agilité. Que je sache. Donc au final, moi, ça fait 7. Moi, ça fait 9. Très bien. Je vais le faire pour les autres par... Vas-y. Ouais, conscience. Hein. D'accord. Alors. Alors que vous êtes sur les gardes, la pression est montée d'un coup. Hein, si il n'y a pas eu franchement une bonne ambiance jusqu'à présent, les derniers événements, les bruits, la réaction de Flint, Klinger qui clairement vous signale que quelque chose ne va pas, vous met une vraie situation de stress. Vous êtes sur vos gardes, à regarder à gauche, à droite. À chacun de vos pas, vous attendez à que quelque chose surgisse. Jusqu'à ce que vous finissiez par avoir raison. Alors que juste un simple pas suffit à voir débarquer d'une de ces énormes formes pendues, une énorme forme noire fendre sur vous. Il va prendre en charge... Charlie, donne-moi un nombre entre 1 et 6. Et pareil pour Gosset, prenez pas le même nombre, deux. S'il vous plaît. 2. Pardon ? Donne-moi un nombre entre 1 et 6, Gosset. 4. Ok. Parfait. Et qui te fonce dessus, Klinger. La forme fonce sur toi à une vitesse qui ne te laisse malheureusement pas le temps de réagir. Je vais juste, du coup, voir... excusez-moi. Un jet pour voir du coup ce que tu vas prendre dans la gueule, hein, je suis désolé. Ah, comme ça, cache pistache. Ah oui, non, je veux juste savoir. D'accord. Arrête. Merci. D'accord, c'est bon, je sais. Du coup, qui te fonce dessus et qui te laisse, du coup, pas temps de réagir par la situation qui arrive et qui va, du coup, planter son énorme bec en plein milieu de ton corps. Tu vas te prendre un point de dégâts que tu vas me noter juste sur Discord, je ferai la modification. À peine qu'il t'a touché, 4 à 5 autres formes foncent sur vous. Ok, j'essaie de tirer sur celle qui a attaqué mon ami. Mais j'attends qu'elle se dégage pour pas risquer de le blesser dans l'action. Ces 4 ou 5 formes vous foncent littéralement dessus. Ghosted, tu as juste le... Klinger, pardon, excuse-moi. Tu as juste le temps de pousser de tes bras l'oiseau pour le retirer de ton corps. Tu sens la douleur te rentrer. Mais heureusement pour toi, il n'est pas rentré très profondément. Ça te permet de pouvoir garder tes forces physiques pour la suite, mais tu sais que déjà tu viens de prendre un gros coup. À peine tu attends de te retourner que tu vois Astrid remplie de formes se jetant sur elle et s'effondrer au sol, sans pour autant qu'elle soit morte, hein. mais juste par la violence des chocs qui du coup te rentrent. Astrid, tu vas prendre pour la forme 4 points de dégâts. Oui. J'ai pas beaucoup de points de... pas très résistant. Oui. Mais personne n'a beaucoup de points de dégâts de base, t'inquiète pas. Donc, Astrid, tu prends 4 points de dégâts suite à la charge de ces oiseaux sur toi. Tu tombes au sol, tout simplement juste déséquilibré par la situation. Et la dernière chose, du coup, que tu vois, c'est ta vision devenir absolument noire, non pas par perte de connaissance, mais par un champ de vision rempli de ces énormes oiseaux noirs. Nous allons nous laisser là. Je vais demander au souilleur, du coup, qui est Charlie, bah c'est bien pour fêter ton départ, de me jeter, comme d'habitude, un des 6 pour savoir combien de morts a eu lieu dans l'Arche durant votre... Un seul. ...petite situation. Aujourd'hui, les morts, ils ont lieu en dehors de l'Arche. Exactement. Du coup, ok, très bien. Un mort, je vais juste le noter. On va pouvoir se laisser là. Donc du coup, juste avant que tu coupes l'enregistrement, parce que j'indique, mais du coup, le joueur d'Astrid va être absent ces prochains mois. C'est pour ça que je ne lui ai pas laissé de chance sur le fait de pouvoir s'en sortir aux oiseaux. Ah. Ça sera expliqué dans la suite du scénario. Tout simplement parce que je sais qu'il doit partir. Je ne savais pas encore, en fait, en lançant la session, voilà, une petite session hors RP pour finir cette truc, si ça allait arriver en session ou pas. Plus ou moins la disparition du personnage. Ça n'arrive pas vraiment du coup en session parce que bah du coup elle a joué entièrement cette session et à la fin elle est encore consciente, donc elle est encore là, donc ça, plus ou moins sa disparition sera plus ou moins les éléments de la prochaine session. Mais voilà, c'est juste pour prévenir que du coup dans les prochains mois un nouveau joueur va venir remplacer et Astrid ne sera plus un personnage, donc c'est normal que ça peut paraître un peu méchant ce qui vient de se passer. Tout simplement parce que voilà, c'était scénarisé pour expliquer un petit départ. Voilà. Ça voilà, c'était juste pour expliquer aux gens de manière un peu ORP, mais qu'ils se disent pas, mais putain, c'est quoi cet univers où au premier combat, tu te prends 5 oiseaux dans la gueule. Voilà, c'est juste. Disparition n'étant pas synonyme de mort. Oui, cette action n'étant pas forcément synonyme de mort, bien entendu, je laisse les gens vivre. Moi, j'aime bien ça.